remember when they're yellow. Disco. Disco, c'est fou. Ça me surexcite. Ça me donne des érections. Ça me gonfle la bite. Ça me secoue doucement. Ça me monte vite. Disco. Disco, c'est fou. Ça me sexcite. Ça me donne des érections. Ça me gonfle la bite. Disco. À la disco, c'est vraiment fou. Ça me donne des érections. Ah, ça me gonfle. Ah, la bite. La disco. C'est vraiment, t'es fou, la disco. Ça me gonfle. Ah, sexy disco. Vous croyez qu'on allait vous laisser comme ça?